son désarroi face aux embrouilles, à ses frustrations. Nous avons tous une parade, un truc bien à soi pour affronter l'adversité de front. Je pourrais parler d'onanisme pour faire plus chic et plus net, mais autant être clair, rien ne vaut une bonne branlette. Ben oui, j'ai pas toujours ma copine sous la main, alors quand je suis à bout, ah, c'est ma main qui prend ma pine, qui la remue de haut en bas, de bas en haut. Artisan de mon plaisir, je la fute, ma baramine la remue de haut en bas, de bas en haut. Artisan de mon plaisir, depuis le stop à la grise mine. Monsieur le curé, voilà, je viens à confesse. N'hésitez pas à vous branler en écoutant toutes mes histoires de fesses. L'auto-érotisme, mon père, oui, y'a que ça de bon, même si vous persistez à dire que rien ne vaut la main d'un petit garçon. Les frustrations mènent au pire, fils de pute, fais-toi en lire, agite de bas en haut. Fais-toi mousser le créateur.